Ah ouais. Alors c'est comme ça. Ça t'a mis bien après avoir bien mangé, bien bu, c'est chez nous que tu viens chier. Devant les gens, tu fais l'ancien. Mais c'est juste que t'es dans un autre quartier. Rien n'est encore payé. T'as bouki frère. Cherche pas ailleurs. Une cave, une chaise à poil. Une cave, une chaise à poil. Trop gentil, donc j'ai tendu le bras. Je voulais faire le Gandhi, je voulais faire le bon bras. T'es sorti en condi, on a payé l'avocat. On a toujours attendu, toi t'étais un bon gars. On t'a longé du pilon, t'a longé de la vodka. Personne t'a dit non, mais t'as mis la vodka. Ils t'ont pété un matin parce que t'étais rodable. Jugement passé, on a pris ta poucave. T'as oublié les principes, t'as oublié la totale. Déménage ta famille, tu mérites des grosses claques. T'étais le plus costaud, genre du plus respectable. T'as donné des bons gars, connu au bac à sable. Ça va te faire des dégâts, te soulever dans tes draps. Commission rogatoire, s'il y a une balance, y'a pas d'hasard. Je suis sous Rapta, je suis sous Bédave. Ça veut te péter, t'es vraiment un gros bâtard. On y reviendra, on se fait confiance. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. On y reviendra, on se fait confiance. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. Pour qui, mon ami m'a pouki. Pour qui j'avais confiance, j'espère t'en as conscience. Pourquoi tu m'as pouki, mon ami m'a pouki. Pour qui j'avais confiance, j'espère t'en as conscience. Je viens de citer avec de l'avenir, c'est Dieu qui décide. Arrête de mentir, t'as pouki, tu peux pas trop mentir. T'as plus de garantie, impossible tu t'en tires. J'ai confiance en mes frères, j'espère pas me tromper. Pour un violet vert, ça peut te la mettre dans le pied. Cagoulé ganté, on aime pas trop se vanter. La rue nos enfants, on est très mal enfanté. Voir ton reflet dans ma visière, t'as du mal à ronfler quand la mort te viscère. Faut pas rester là, l'avenir est ailleurs. Pas sûr de revenir, dis jamais à ta l'heure. On s'écarte du très haut, je suis Théo, je suis Adama, je suis dévot. Dans la rue de Montchek, la misère nous infecte. Toute l'année en survêt, malheureux en buvette. On y reviendra, on se fait confiance. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. On y reviendra, on se fait confiance. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. Pour qui, mon ami m'a pouki. Pour qui j'avais confiance, j'espère t'en as conscience. Pourquoi tu m'as pouki, mon ami m'a pouki. Pour qui j'avais confiance, j'espère t'en as conscience. T'as fait tomber les tiens, t'as fait tomber les miens. Aujourd'hui t'es l'ennemi, ta famille n'est pour rien. Ton petit ref est vaillant, vient de se faire niquer. Il doit prendre tes patins, ce n'est pas mérité. Ça se lève le matin en espérant te croiser. Glock dans la bouche, une envie de te creuser. Rien dans la tête pour donner ton ami. Assume les plaquettes, vendu harki. T'avais ski le secteur, t'as pris ta meuf la petite chouin. Allez sous inspecteur et tire à loin. On assume les mandats, on assume les parloirs. T'as donné des noms, j'arrive pas à y croire. Tu mérites une cave, une chaise à poil. Tu mérites une cave, une chaise à poil. Tu mérites une cave, une chaise à poil. Tu mérites une cave, une chaise à poil. Ton air viendra, on se fait confiance. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. Ton air viendra.